Il est 10h du matin. À la terrasse du café, il y a maintenant Casimir, le boulanger, Barnabé et l'instituteur qui sont assis sur le parapet. Et alors, le curé, il en a profité pour me filer une messe en première, là. J'ai rien compris. Il m'a parlé de la bonté de Dieu, enfin tout ça, c'est bien joli, mais ça ne me dit pas où elle est. Vous ne vous étiez pas disputé hier au soir? Oh non, oh, pas moi, depuis 5 ans que nous sommes mariés, jamais eu de dispute, jamais un mot. D'ailleurs, ma femme, c'est une femme très calme, elle ne parle jamais. Mais toi, en réfléchissant bien, tu n'as aucun soupçon, aucune idée dans la direction qu'elle aurait pu prendre? Mais la seule chose qui soit possible, c'est qu'elle soit languie de sa mère. Elle y a été. Et pourquoi elle ne te l'aurait pas dit? Ah ben parce qu'il a eu peur que je lui refuse. Oh, puis tu sais que les femmes, on sait jamais. C'est tellement compliqué, c'est pire qu'une montre. Non, mais bon, c'est ça, là. Tu comprends? Tout ça, la fatigue de l'installation. Alors, ça l'a énervé, ça lui a fichu un coup de cafard. Et il a eu besoin de voir sa mère. Parce qu'elle aime beaucoup sa mère. Oh, si vous saviez comme elle aime sa mère, alors, oh là là. Elle va la voir souvent, je suppose. Ah, tant qu'elle peut. Et toi, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps? De moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je pétris, moi. Évidemment. Mais là, rigolo, lui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et voici Antonin qui s'avance. Il porte un beau lièvre qu'il tient par les oreilles. T'es un boulanger, voilà tes grives. Oh, merci. Il y a une grosse et une petite. Le tendre, c'est meilleur, et la cire, c'est plus gros. Oh, merci, Tonin, tu es brave. Hein. Seulement maintenant, de deux grives, il y en a une de reste. Et sa femme a disparu. Oh, disparu, comment vous y allez? Elle n'a pas disparu? Et ce mal n'est plus là, voilà. Il regarde Antonin, qui baisse les yeux. Tu ne l'aurais pas rencontré, des fois? Moi, je crois pas. En fait, tu as vu personne? Naturellement, j'ai rencontré du monde. Ce matin, j'ai vu le facteur qui montait. Il était en bicyclette, tiens. Et puis, j'ai vu un homme qui labourait au plateau de la Badoc. Ouais. Et puis, j'ai vu... Il m'a semblé de voir un cheval qui passait, là. Oh, je te parle pas d'un cheval, je te parle de ma femme. Il était seul, ce cheval? Non, il avait du monde sur l'esquine. Mais une femme? Il m'a semblé une femme. Alors, c'est pas ma femme. Oh non, je sais pas monter à cheval. Non. Mais cette dame sur ce cheval, elle n'était peut-être pas seule? Ah non, il y avait un homme devant et elle se tenait à son cou. Oh, c'est pas ma femme. Oh non, oh, elle est pas si familière que ça. Alors, dites-moi, en bonne logique, moi, si votre femme est allée chez sa mère sans vous prévenir de peur d'un refus, il me semble qu'elle aurait pu vous laisser un mot sur un papier. Hein? Mais évidemment qu'elle m'a laissé un mot. Quel grand imbécile que je fais. Mais oui, elle m'a laissé un mot. J'y pensais pas. Elle m'a laissé un mot dans la chambre, sur la commode. Oh, j'y vais. Merci, monsieur l'instituteur. Il part en courant vers la boulangerie. Allez, accompagnons-le, hein, il ne trouvera pas. Ils se lèvent tous les quatre et suivent de loin le boulanger. Quand même les femmes, incroyable. Dis, c'était elle que tu as vue? Casimir, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Ce que je peux te dire, c'est que ce matin, j'ai vu un cheval qui passait et il descendait vers les marais. Il portait deux personnes, un homme et une femme. L'homme ressemblait au berger du marquis et la femme ressemblait à la femme du boulanger. Et ça ressemblait à des gens qui s'aiment et qui s'en vont n'importe où pour s'embrasser bien tranquillement. Et notre pauvre boulanger ressemble bougrement à un cocu. Hein, fallait s'y attendre. On a beau s'y attendre, mais quand ça ne doit pas arriver, ça n'arrive pas. Ah, c'est pas ma femme qui s'envolerait avec un berger. Elle n'est pas si bête, hein? C'est les bergers qui sont pas si bêtes. Et puis ta femme avec les tétasses qu'elle a, c'est pas un berger qu'il lui faudrait. C'est un bouvier. Et qu'est-ce que tu veux? Des bouviers ici, il n'y en a pas, alors. Quand ils arrivent devant la boutique, le boulanger paraît à la fenêtre du premier étage. Messieurs! Le papier n'y est pas, mais comme j'ai laissé la fenêtre ouverte pendant 2 heures, on va un peu si le courant d'air l'a pas emporté par là ou par ici, là, hein? Oui, nous cherchons, oui. Enfin, nous faisons semblant. Pendant qu'ils font semblant de chercher, on voit arriver au galop 2 chevaux. Ils portent le marquis et Esprit qui sautent à terre et prend la bride des chevaux. Le boulanger est ici? Oui, monsieur. Merci. Il entre dans la boutique. Barnabé s'approche d'Esprit. Esprit! Tu sais quelque chose, Guy? Eh bien, quoi? Dominique est parti avec la femme. Et ils ont emmené Scipion, le plus beau cheval. Le vieux a un peu une maladie. Je vous l'avais bien dit, il me semblait de les avoir reconnus.